Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Épisode, la guerre industrielle. Le récit de Jiménez va maintenant nous entraîner dans une guerre de masse où la perspective révolutionnaire n'est plus à l'ordre du jour. Et où, tant bien que mal, l'antifascisme tient un lieu de motivation pour les combattants. Témoin direct et participant de la bataille de Barcelone en mai 37, George Orwell souligna dans son livre combien l'atmosphère avait changé après ces événements. En Espagne, ce fut une bourgeoisification générale qui eut lieu, une destruction délibérée de l'esprit égalitaire des tout premiers mois de la Révolution. Tout cela fut si rapide que ceux qui firent deux voyages successifs à quelques mois d'intervalle se sont demandé s'ils avaient bien visité le même pays. Le socialiste Negrín avait déclaré en octobre 1937 « Nous respectons la propriété privée, et tel membre des Cortés qui, suspect de sympathie fasciste, avait dû fuir du pays au début de la guerre, revinrent en Espagne. » Orwell fit aussi remarquer que l'abandon de la Révolution n'encouragea pas les populations bloquées du côté franquiste à se soulever. Franco, lui, est soutenu à fond par Hitler et la Légion Condor, son armement moderne et ses bombardiers, dont la terre d'Espagne est devenue le terrain d'expérimentation. Après la bataille de Brunete, en juillet 1937, l'aviation franquiste est désormais maîtresse de l'espace aérien. Au même moment, l'armée populaire républicaine rassemble plus de 500 000 hommes, répartis dans 150 brigades. Elle est sous le contrôle des communistes qui occupent près de 60% des postes de commandement. Les républicains utilisent les brigades internationales comme troupes de choc, jusqu'à épuisement des volontaires. Et comme certains officiers traitent fort mal leurs hommes, on assiste à des refus de monter au front ou à des désertions, parfois collectives, suivies d'exécutions. Le tableau est le même pour les brigades espagnoles, et l'on rapporte que dans la division du communiste Lister, une brigade à dominante anarchiste est utilisée de manière inhumaine à la bataille de Jarama, où elle perd 80% de ses hommes. Toute armée est une machine à broyer, et dans celle-ci, la conduite de la guerre représente en outre un moyen d'exercer la terreur politique. Les communistes noyautent le CIM, Service d'investigation militaire, qui échappera bientôt au contrôle du ministre socialiste de la guerre et deviendra une super-police politique calquée sur le modèle du NKVD russe. Son action consiste à traquer, arrêter et torturer les révolutionnaires en Espagne. Tout opposant au Parti communiste est automatiquement qualifié d'espion de la cinquième colonne. Tandis que les franquistes attaquent les Asturies le 24 août 1937, les républicains lancent leur offensive sur Belchite, au sud-est de Saragosse. Plusieurs brigades internationales sont mobilisées. Jiménez va être en contact avec la 15e, à dominante anglo-saxonne. Beaucoup des volontaires américains qui constituent le bataillon Lincoln sont des communistes et des pacifistes qui ont refusé de se battre pendant la guerre mondiale et ont fait de la prison pour cela. La plupart périront dans les deux attaques convergeant sur Saragosse, par le nord-est dans le secteur de Suera et par le sud-est dans le secteur de Quinto de Ebro, où se trouve ce qui reste du groupe international utilisé comme unité mobile. Le 6 septembre, Belchite et Quinto sont prises, mais pas Saragosse. Encore une fois, et malgré de lourdes pertes, le cours de la guerre n'a pas changé. Le front d'Aragon se stabilisera ensuite pendant un mois. Le temps passait. Au mois d'août, des bruits commençaient à circuler. on parlait des brigades internationales qui devaient venir prendre position sur le front d'Aragon. Puis on apprit qu'un camp d'aviation avait été aménagé à Candasnos. Pablo nous demanda de rester dans nos cantonnements pour être prêts à toute éventualité. Cet ordre eut des conséquences. On ne quittait plus nos copines Rosita, Asuncion et Conchita. Et malgré nos bonnes résolutions, il arriva ce qui devait arriver. Je ne me souviens plus lequel de nous céda le premier. Ce dont je me souviens, c'est qu'un soir je me suis retrouvé seul avec Conchita. J'arrivais du PC, où j'avais rencontré tous les vétérans du groupe. Otto, Ritter, Mario, un copain suédois, deux français, et quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom. Pablo nous annonça que les brigades allaient arriver et que nous devions nous préparer à passer sur les arrières ennemis. Nous étions en état d'alerte permanente. Conchita m'attendait comme d'habitude. Les autres, d'après elle, s'étaient couchés depuis un bon moment. Je la regardais pendant qu'elle me parlait. L'expression de mon visage devait réfléchir l'envie que j'ai eue, subitement, de la prendre dans mes bras, de mordre sa bouche. Car elle me demanda en riant ce que j'avais, si je n'étais pas malade. Le son de sa voix me rendit ma lucidité, et je lui dis d'aller se coucher. Elle refusa, alléguant que c'était encore trop tôt. Pour la faire partir, espérant que l'éducation reçue la ferait s'éloigner, je lui avouai que j'étais marié, mais qu'elle était trop jolie et que j'avais envie d'elle. Sa réaction me surprit. S'approchant de moi, le visage rayonnant de bonheur, elle s'écria « Es verdad, me quieres, Antonio, quieres que sea tu querida ?»« C'est vrai, tu m'aimes ? Antoine, veux-tu que je sois ta maîtresse ?» Serrée contre moi, les bras passés autour de mon cou, sa bouche était près, trop près de la mienne. Conchita n'avait pas 17 ans. En lui disant que j'étais marié, j'avais espéré sincèrement qu'elle s'en aille, pour que je puisse échapper au désir que j'avais d'elle. Je m'étais trompé. Mon aveu n'avait fait que précipiter les choses. Elle était déjà femme, pourquoi la décevoir ? Ma bouche rejoignit la sienne. Son corps se fit plus lourd dans mes bras. Étroitement enlacés, nous rentrâmes dans la chambre. Arrivée près du lit, elle s'écarta, déboutonna son mono et le fit glisser lentement vers le bas. Ses yeux et ses lèvres me souriaient. Moi, je la regardais faire sans bouger, comme si j'avais peur de la voir disparaître, en me réveillant d'un beau rêve. Je la vois encore dégager ses pieds de la salopette, tout en dégrafant son corsage. Les jambes, les cuisses, la tache noire du pubis, puis les seins, haut placés, petits, durs, couronnés par deux fleurs roses pâles dont les tétons pointaient à peine. Elle eut un frisson quand mes doigts frôlèrent sa poitrine, pour glisser sous ses aisselles, et ma bouche commença à caresser les sommets de sa poitrine. C'est à ce moment que la pensée qu'elle était probablement encore vierge traversa mon cerveau. Mon désir disparut, laissant la place à la crainte de la blesser, de lui faire mal. Pour lui cacher ma défaillance, j'allais fléchir les genoux, lorsqu'elle, prenant appui sur les coudes, se hissa sur le lit, où elle se renversa, jambes pendantes, cuisses écartées, offrant à ma vue une figue dont la chair gonflée par la sève aurait fait éclater la peau, laissant voir la pulpe rouge du fruit. Conchita cria. Ses mains saisirent ma nuque lorsque mes lèvres se fermèrent sur son clitoris. Comme si elle craignait que je m'écarte. Son corps s'agitait, se tordait. Je sentais ses ongles griffer ma peau. Puis après un dernier sursaut, elle resta immobile. Je ne m'arrêtais pas de la caresser. Les mains effleurant doucement les tétons que je sentais droits et durs, sur mes paumes. Je continuais à butiner son sexe. D'autant plus que mon désir reprenait le dessus et que je n'avais plus qu'une envie. La porter au paroxysme du plaisir. Ses hanches commençaient à onduler lentement. Ses mains reprirent possession de ma tête. Les mouvements de son corps devenaient plus rapides. Quand je pénétrais en elle, un petit cri de douleur ou de surprise s'échappa de ses lèvres. Ses jambes s'étaient croisées sur mes cuisses. Ses doigts m'agrippèrent aux épaules et m'attirèrent, recherchant un contact plus complet de nos deux êtres. Des coups violents contre la porte nous réveillèrent. C'étaient mes amis qui venaient m'avertir qu'une des brigades internationales campait dans les environs. Nous voyant sortir tous les deux de la chambre, ils partirent dans un quadruple éclat de rire. Rosita et Assumption étaient avec eux. Puis ils nous félicitèrent à leur façon. Joe et Fred en mettant en boîte, et les deux filles en posant des questions à Conchita et en riant. La région grouillait d'hommes en armes, volontaires venus de tous les horizons. La 15e brigade était à pied d'œuvre. Il y avait beaucoup d'Anglais et d'Américains, mais aussi des Italiens, des Français, des Cubains, avec lesquels on put engager un dialogue. J'invitai un communiste italien à visiter la collectivité de Pine. Malgré la proximité du front, les paysans du village avaient fait de tels progrès que même les 3 ou 4 petits propriétaires terriens de la commune, qui un an auparavant avaient préféré continuer à travailler leurs terres individuellement, comprenant qu'en travaillant en commun, ils pourraient passer moins de temps dans les champs et s'adonner à d'autres occupations selon leurs préférences, avaient demandé leur intégration à la collectivité. Tout le village se trouvait habité par une vaste famille où tout était partagé selon les désirs et les nécessités de chacun. Des terrains qui, de mémoire d'homme, n'avaient jamais été labourés, avaient été défrichés et ensemencés. Les familles mangeaient de la viande 2 ou 3 fois par semaine. Avant 36, il n'y avait droit qu'une ou 2 fois par an. Et encore pas toujours. Le camarade qui voulait me convaincre que pour parvenir à la réalisation du communisme libertaire, il fallait passer par la dictature du prolétariat, comme en Russie, reconnut loyalement que l'expérience libertaire en Aragon était encourageante. Mais il doutait que l'on puisse l'étendre avec succès à toute une nation. Pour lui, le communisme russe, fortement centralisé, au pouvoir absolu, était nécessaire pour faire face aux innombrables ennemis de la révolution prolétarienne. Il ne voulait pas admettre que la nouvelle classe dirigeante ne voudrait plus perdre la puissance acquise et qu'elle ferait le nécessaire pour empêcher les masses de penser aux injustices et les individus de réclamer leurs droits. Nous nous quittâmes en fin de matinée, bons copains, mais en restant sur nos positions. Il avait une confiance aveugle en ses chefs, du commissaire de sa compagnie à Staline, en passant par toute la hiérarchie du parti. Tous étaient infaillibles et sincères. Ce soir-là, Joe, Fred et moi rentrâmes pour retrouver nos compagnes affairées autour de la table où 3 couverts étaient mis. Sur la table, il y avait un véritable festin. Poulet rôti, lapin frit, jambon cru, fromage et vin rouge. La surprise nous fut d'autant plus agréable que nous savions que le lendemain matin, nous devions partir pour une mission autre qu'une simple reconnaissance. 3 assiettes, 3 verres, 3 chaises. Jamais je n'oublierai cette soirée. Pour que personne n'eût à se déranger pour chercher les plats ou la boisson, nous avions tout mis sur la table. Les filles étaient assises sur nos genoux. On avait ri, blagué comme des fous. Conchita m'obligeait à prendre des morceaux de viande sur ses lèvres ou trouver d'autres gamineries qui la faisaient rire aux éclats. Nous avions oublié la guerre, les dangers passés et ceux qui nous attendaient dans un proche avenir. Nous n'étions plus que des êtres jeunes, pleins de vie, d'amour et de joie. Vers la fin du repas, je ne sais plus qui parla de notre départ. Le premier instant de surprise passé, Assumption dit calmement « La femme doit suivre son mari. Fred, querido, je viendrai avec toi. » Rosita lui fit écho. « Moi aussi. Moi, Conchita, je ne suis pas sa femme, mais su querida. » J'irai où il ira, car je suis une milicienne. Et Tony m'a toujours dit que nous sommes libres de choisir notre façon de vivre et notre combat. Je sais qu'il ne me refusera pas le bonheur de me battre à ses côtés. La discussion fut très courte et je me retrouvai dans ma chambre avec Conchita. Celle-ci était heureuse de partir le lendemain avec nous pour cette nouvelle aventure, qui pour elle sera le premier combat réel. Le lendemain après-midi, nous repartîmes. Nous avions fait circuler le bruit que 30 parmi nous partaient en permission. Les autres seraient relevés par les brigades pour pouvoir aller se reposer au Cruce de Helsa. À Bujaraloz, Pablo nous révéla nos objectifs. Il fallait pénétrer dans les lignes ennemies et retarder ou empêcher l'arrivée de renforts pendant l'offensive qui devait être déclenchée au cours de la nuit. Nous avions juste le temps de rejoindre notre zone d'opération. 5 groupes de 6, échelonnés sur un front de 20 km environ. De Beli a de Ebro à Fuentes. Notre guide nous quitta au dernier avant-poste de l'armée républicaine, après nous avoir indiqué le chemin que nous devions emprunter. Après avoir traversé une étroite vallée et contourné une colline couverte de pins et de broussailles, nous vîmes, loin derrière nous, sur un sommet, briller des lumières. Nous avions réussi à traverser les dispositifs de défense adverse. Nous marchâmes vers le sud, en suivant la base des collines boisées. Un bruit lointain nous fit stopper net. Un véhicule, auto ou camion, se rapprochait. Le camion, car cela en était un, passa à une quarantaine de mètres de l'endroit où nous étions, pour aller s'arrêter un peu plus loin. Les hommes qui en descendirent parlaient sans crainte d'être entendus. Ils allaient relever leurs camarades. Nous coulant comme des couleuvres dans les buissons, nous réduisîmes la distance qui nous séparait. Joe et Fred mirent les fusils mitrailleurs en position, et nous ouvrîmes le feu. Cris de douleur, hurlements d'épouvante, tout signe de vie s'effaça. On arrêta le tir. La surprise avait été totale. L'adversaire n'avait pratiquement pas riposté. Le bruit des moteurs nous annonça que d'autres forces arrivaient. Mais celles-là s'arrêtèrent avant d'arriver à notre portée. On ne voyait rien. Et comme nous, ceux d'en face se dissimulaient parmi les touffes de genêt et de romarin. C'est Fred qui les entendit le premier. Quelqu'un se glissait en rampant vers nous. Tirant presque au ras du sol, les fusils mitrailleurs balayèrent le terrain, pendant que les filles et moi nous débarrassions de nos grenades. Et tout redevint calme, lorsque se fut éteint le bruit de la course de ceux qui avaient échoué dans leur tentative d'approche. Le temps passa. Laissant nos compagnes aux aguets, nous explorâmes l'espace autour de nous. Nous étions à la base d'une colline dont la pente était très raide et difficile à escalader, au moins dans ses débuts. La retraite s'avérait difficile. Une détonation éclata, assourdie par la distance, suivie par un sifflement et une explosion sur le flanc de la colline. Des pierres tombèrent autour de nous. Une autre éclata devant notre position. Puis un cri, poussé par je ne sais combien de poitrines remplies la nuit. Arrive Espagne ! Les dernières grenades et les fusils mitrailleurs nous permirent de les repousser. Mais Fred et Asuncion gisaient sans vie, les mains crispées sur leurs armes. On décida de battre en retraite. Trop tard, un déluge d'obus s'abattit sur nous. Je repris conscience sur une couche de peau de mouton, dans une palidera, une cabane aux murs en pierre sèche et aux toits de chaume, où les bergers s'abritent avec leurs troupeaux, la nuit ou partant d'orage. J'avais mal partout. La tête était de loin la plus douloureuse, car elle me faisait souffrir même si je restais immobile. J'avais l'impression d'avoir roulé en bas d'un escalier de 6 étages. Un vieux bonhomme s'approcha de moi. Por fin te despiertas. Il porta sa gourde à mes lèvres et me fit boire en disant « No tengas miedo. N'ayez pas peur. Bois, ça te fera du bien. » Avant que je ne lui pose des questions, il me dit comment il avait entendu le combat qui s'était déroulé la nuit. Tous les postes franquistes avaient été attaqués presque au même moment. Une fois le danger passé, il était parti avec son chien et son âne pour retourner chez lui. Il m'avait découvert, gisant au milieu de mes camarades déjà froids. Un gémissement avait attiré son attention. Constatant que je n'avais pas de blessure apparente, il m'avait chargé sur son âne et avait rebroussé chemin. Après m'avoir offert de partager son repas, pain, saucisson, figues sèches, le tout arrosé de quelques gorgées de vin du pays, il m'accompagna un bout de chemin pour m'indiquer un raccourci. La nuit tombait lorsque j'arrivais à Cruce de Helsa à bord d'une ambulance qui m'avait pris sur la route. L'offensive d'Aragon se développait en direction de Belchite. Et selon le chauffeur, bientôt cette ville sera libérée. Moi, j'avais un mal de crâne tel que je me rendais pas compte de ce qu'il me disait. J'enregistrais, et c'était tout. Le groupe campait au carrefour de la route de Bukhar à Loz, en attendant l'ordre de monter en ligne. Un peu plus loin, un bataillon des brigades se reposait des fatigues d'un long voyage en camion. Je revenais du PC lorsque je rencontrais Hans, le compagnon de Madeleine. Elle aussi était partie pour essayer de savoir ce que j'étais devenu. En attendant son retour, Hans me dit les raisons de son engagement dans les brigades. Depuis les journées de mai, les militants du POUM étaient pourchassés. Andrés Nin avait disparu et était probablement mort dans une geôle du parti de Staline. Pour un trotskiste allemand, les brigades étaient l'endroit le plus sûr, à condition de se taire et d'accepter la discipline. Sur ces entrefaites, Madeleine arriva. Je me souviens qu'elle parla un moment en allemand avec Hans. Celui-ci prit ensuite congé de moi et s'éloigna en disant « Hasta luego ». La nuit nous enveloppait dans ses ténèbres. Le contact des lèvres de mon ami sur ma bouche fit céder la tension nerveuse qui m'avait soutenu depuis mon réveil dans la paridera. Cette tension lâcha subitement. Et cachant mon visage au creux de son épaule, je me mis à pleurer, à chialer comme un gosse. Oui, je sais, c'est ridicule. Comment est-il possible qu'un homme digne de ce nom, un combattant endurci par près d'un an de lutte, puisse éclater en sanglots, et cela devant une femme, fût-elle sa maîtresse? Pourtant, c'est la vérité. J'ai craqué. Je me suis effondré comme un pantin à qui on a coupé les ficelles. Madeleine m'allongea sur une couverture et se coucha presque sur moi, tout en me demandant ce qui s'était passé de si terrible. Alors je lui racontai tout. La mort de Joe et de Fred. Celle de Conchita, Assumption et Rosita, qui avaient voulu partager notre sort, par amour pour nous. En parlant, je m'étais calmé. À la fin de mon récit, j'avais recouvré mon sang-froid et je lui demandais pardon de ma faiblesse. Le lendemain, je la quittais. Je ne devais plus la revoir, elle non plus, car elle ne devait pas survivre. Les bombardiers d'Hitler la tuèrent lors d'un des raids sur Barcelone. Cette période de ma vie est physiquement la plus mouvementée. L'offensive républicaine en Aragon nous transforma en unité mobile, toujours en mouvement, du front de Huesca à celui de Belchite et Teruel. La première opération nous amena, après une marche épuisante sous un soleil de plomb, au sommet d'une colline, où nous fîmes halte. Il faisait déjà nuit. Je m'endormis presque tout de suite, au pied d'un arbre, pour ne me réveiller que le lendemain matin, secoué par Pablo qui me criait qu'il fallait partir. Nous nous étions trop avancés et risquions d'être encerclés. Ce jour-là, j'appris ce qu'était un avion de combat. Nous marchions en ordre dispersé, dans un paysage désertique, à la végétation rare et rachitique, lorsque les chasseurs allemands foncèrent sur nous, nous arrosant d'une grêle de balles. Le carrousel de la mort continuait ainsi, semant la peur. Plaqué au sol, sur le dos comme en mon habitude, je les regardais tomber du ciel comme s'ils devaient s'écraser, puis se relever, remonter, décrire un demi-cercle et recommencer. Au bout d'un moment assez long en vérité, j'entendis la voix de Pablo qui nous criait de tirer sur les appareils. Apuntar delante l'apparato! À mon commandement, feu! Je n'avais qu'un revolver. Je m'abstins de gaspiller les munitions, ce qui me permit d'observer ce qui se passait autour et au-dessus de moi. Les premières salves n'eurent aucun résultat appréciable. Entre le passage du dernier avion de l'escadrille et le retour du premier, quelques minutes se passèrent, pendant lesquelles notre mitrailleur en profita pour bondir, avec sa machine, derrière le tronc d'un arbre mort, qui, au milieu de ce paysage dénudé, levait les moignons de ses branches maîtresses vers le ciel. Je vis les petits nuages de poussière, levés par la grêle de plomb, s'avancer presque dans l'axe de l'arbre. Puis, dans un vrombissement rageur, l'appareil se redressa, remonta en chandelle, laissant derrière lui une traînée de fumée noire, et disparut vers l'est, suivi des autres après un dernier passage. L'après-midi de ce même jour, j'eus l'occasion de voir les Stuka en action. Ces bombardiers piquaient presque verticalement sur l'objectif, lâchaient leurs bombes d'une hauteur d'environ 4 ou 5 mètres, peut-être moins. C'est ainsi que je les vis démolir et incendier les camions qui venaient nous chercher et rendre inutilisable la route. Les bombes creusaient les trous de 2 mètres de diamètre sur un de profondeur. D'autres que moi ont décrit l'horreur des bombardements. Camions et voitures qui brûlent et explosent. Gens qui courent et tombent fauchés par la mitraille. Si j'en parle, c'est que ce jour-là, je m'aperçus que n'étant moi-même pas en danger, car je me trouvais à quelques centaines de mètres du théâtre des opérations, je pouvais regarder indifférent, sans trembler de rage impuissante ou de pitié pour ceux qui tombaient, le spectacle apocalyptique qui se déroulait devant moi. J'avais perdu dans cette guerre tous mes amis, et dans l'espace d'une nuit, Joe, Fred, Mario, Otto, Ritter avaient été engloutis dans les ténèbres, et je me retrouvais seul. Juanita, Conchita, les femmes que j'avais aimées, étaient évanouies à tout jamais. Je restais indifférent devant ce massacre. La guerre m'avait-elle endurci au point de trouver logique et naturelle la perte d'hommes qui luttaient dans le même camp que moi ? C'est la guerre, m'avait dit Pablo. Aujourd'hui, c'est eux qui sont tombés. Demain, ça sera peut-être moi, toi ou quelqu'un d'autre, parmi ceux que tu estimes. À Barcelone, après des semaines d'arrestations et de rafles opérées dans les quartiers ouvriers, plus d'un millier de militants et de miliciens peuplent les commissariats et les prisons. Parmi les leaders du POUM arrêtés, Andrés Nin disparaîtra à jamais dans un sordide cachot clandestin. Clara et Pavel Talman, qui avaient combattu à Pina, doivent leur salut à une campagne de soutien lancée par leurs camarades en Suisse. Extraits d'une prison clandestine par le ministre de l'Intérieur socialiste, ils arrivent à quitter le pays. George Orwell réussira avec difficulté à regagner l'Angleterre, la mort dans l'âme, laissant derrière lui des compagnons qu'il ne reverra jamais. Plutôt que de rester en ville où l'existence vire au cauchemar, certains de ceux qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'Espagne vont se réfugier dans les divisions anarchistes en Aragon, ou même dans les brigades internationales. Dans les campagnes catalanes, la terreur se déchaîne également. Les gardes d'assaut envahissent et saccagent les collectivités villageoises, arrêtent ou assassinent les militants qui résistent. Les libertaires tentent de réagir et un comité de soutien aux prisonniers se constitue. Mais ils se heurtent, ironie de l'histoire et de la politique, à un décret pris en décembre 1936 par García Oliver, alors ministre anarchiste de la Justice. Il condamnait à de lourdes peines les personnes détenant des armes, convaincues de travailler pour la cinquième colonne. Maintenant, ce décret sert à sanctionner les gens qui résistent les armes à la main à l'agression policière. Le comité de soutien Pro Presos est impulsé par des anarchistes en désaccord de plus en plus franc avec la politique collaborationniste de la CNT de la FAI, dont ils attendent en vain une vigoureuse riposte à la terreur étatiste. En fait, encore une fois, au nom des circonstances, les dirigeants anarchistes prônent la tactique suivante. Nous ne pouvons et ne devons recourir aux anciens procédés violents avec lesquels nous répondions aux provocations contre nous. Nous devons dégager une nécessaire impression de responsabilité et de légalité. Un clivage de plus en plus net sépare désormais une direction anarchiste murée dans ses choix et une partie de la base, chaque jour plus convaincue du bien fondé de son refus. Celui-ci va s'exprimer dans des journaux qui défient la censure. El Amigo del Pueblo, Anarquía, Libertad, El Esfuerzo, Alerta, etc. En ce même mois de juin 1937, se tient à Paris le congrès de l'Association internationale des travailleurs, qui va donner lieu à de violentes attaques de la part de militants très investis dans le soutien à l'Espagne révolutionnaire, comme Charles Ridel et Charles Carpentier, fondateurs du groupe international. Avec beaucoup d'autres anarchistes français, ils constatent, nous citons, l'incompétence de l'état-major de la CNT qui a permis que reviennent aux affaires les politiciens écartés le 19 juillet et a définitivement compromis le succès de la Révolution, maintenant subordonnée à la guerre. Cela ne peut que favoriser le capitalisme international et ses représentants et a également permis au Parti communiste de planter les jalons d'une dictature à l'ombre de la République démocratique. Le 28 juin 1937, les anarchistes sont exclus du gouvernement de la Généralité et n'y reviendront jamais, malgré leurs souhaits. Palmiro Togliatti, ce relais de la politique de Staline en Espagne, dont nous avons déjà parlé, se plaint toutefois que la population espagnole soit, nous citons, toujours sensible aux arguments des révolutionnaires immatures. Les anarchistes contrôlent en effet encore l'économie. La collectivisation libertaire va être, à l'évidence, la prochaine cible de la contre-révolution. Thank you.